Québec, il fait le show. Willy Beb, le roi, c'est lui le héros. Les défis avec le riz, toujours prêt à jouer. Avec ses abonnés, il vient nous régaler.